On va ouvrir le bulletin de sport de la Canadienne régionale en parlant de golf. Puis Alexandre Bédard a fait un tournoi de golf à Belleuil cette semaine et il a terminé au quatrième rang. Le golfeur natif de Chibougamau a joué 67 la première ronde et 71 la deuxième ronde pour un total de 138. Il y a un autre golfeur du secteur qui a participé, c'est Lucas Dupéré. Et dans le cas de Lucas Dupéré, ben, il n'a pas fait la coupure. Maintenant, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé hier avec l'instructeur-chef Jason Lajeunesse des Sabres de Roberval, les Sabres qui débutent leur saison aujourd'hui. Et dans la section entrevue, il a mentionné qu'ils s'attendent une meilleure saison que l'an dernier. À quoi s'attendre? Une plus belle saison que l'année passée, je pense. OK. On a attiré là, pas mal plus de joueurs cette année. Là. De l'extérieur, pas de l'extérieur, là, mais tu sais, de Metavetchouan, Saint-Bruno, dans ce coin-là, là. Que l'année passée, ils n'étaient pas venus, puis là, cette année, ils sont venus. OK. J'ai eu un oui-dire. On devait avoir une équipe plus complète. Oui, j'ai eu. Et il nous parle de la force de son équipe, une équipe très jeune. Bon, ben là, cette année, je pense que, tu sais, tous les joueurs, c'est chichou. On va avoir une équipe jeune, tu sais, beaucoup de 18 ans, beaucoup de 19 ans. Et après ça, tu sais, j'ai juste 4-20 ans, puis 4-21 ans. Fait que c'est sûr qu'on va être très, très jeune. Mais, tu sais, la chimie, elle se fait quand même bien, parce que les flots, quoi, se connaissent quand même très, très bien. Là, tu sais, à ce âge-là, ils ont tous joué midget ensemble. Fait que, ou un contre l'autre, là, tout dépendant, là, de la, tu sais, mon territoire, là, c'est deux villes, là, qui jouent dans midget, là. Mais, sinon, non, hein, à date, ça va très bien. On a 4 matchs hors concours de jouer, puis on avait 4 victoires. De ce côté-là, je ne peux pas dire que la chimie n'est pas là. OK. Donc, en match pré-saison. Maintenant, on va parler de football. Il y a la Ligue de football scolaire juvénile qui va tenter de reprendre ses activités cette année après une année d'absence. Et hier, on a parlé avec l'instructeur-chef Serge Bouchard. Et Serge Bouchard a mentionné que, étant donné que c'est une équipe ou une ligue qui tente de redémarrer, ben, à une ligue à 8 joueurs, ben, il y aura des joueurs plus ou moins expérimentés, explique l'entraîneur-chef des Faucons des Portes du Nord de Chibougamau. Les joueurs là, qui n'ont pas joué l'automne passé, tout comme les deux autres équipes, là, même Charles Graffel l'an passé, n'ont pas joué parce qu'ils étaient inscrits dans la Ligue de Québec et ont déclaré forfait en début de saison. Donc, c'est ça. Ça va être une ligue. C'est une ligue qui va être en restructuration. On essaie de repartir cette ligue-là. Donc, on a des joueurs, je dirais, moyennement expérimentés, qui ont joué cadet, qui ont arrêté un an parce qu'il n'y avait pas de football qui leur était offert, qui veulent recommencer. Donc, mais globalement, moi, j'ai quand même un bon bassin, on dirait, de 28 à 30 joueurs. OK. C'est bien pour du football à vie. Je pense qu'on devrait avoir. Et il nous parle du genre d'équipe qu'il va avoir sous la main. On va progresser plus tout au long de la saison parce que. Présentement, là, on va commettre, selon moi, là, quelques erreurs là, de stratégie, de positionnement, parce que c'est ça, les gars manquent d'expérience, mais c'est des gars qui apprennent, qui veulent apprendre. Donc, je pense que globalement, plus la saison va avancer, là, si on évite les blessures, on devrait être de plus en plus performant. OK. Donc, je m'invite donc à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec d'abord l'instructeur-chef des Faucons de Chantier Chibougamau, Serge Bouchard. Je me suis également entretenu hier avec aussi Jason Lajeunesse des Sabres de Roberval. Le sport local et régional à DanRadioSport.com au sein de l'équipe.